Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Bonjour Prudence. Aujourd'hui, tu comptes nous parler du phishing. Est-ce que tu peux nous dire d'abord de quoi il s'agit ? Salut Lucille. Oui, le phishing ou hameçonnage en français, c'est une technique frauduleuse destinée à leurrer l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles et ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance. Ça passe par un faux SMS ou un appel téléphonique de banque, d'opérateur de téléphonie, de fournisseur d'énergie, etc. Est-ce que tu as une idée, Lucille, de comment se protéger de ce genre de pratiques ? Par exemple, ne pas communiquer ses codes de carte bancaire ? En effet, ne communiquer jamais d'informations sensibles par messagerie ou téléphone. Aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone. Vous pouvez aussi, avant de cliquer sur un lien douteux, positionner le curseur de votre souris sur un lien sans cliquer dessus et ça affichera l'adresse vers laquelle il pointe réellement et vous pourrez en vérifier la vraisemblance. En cas de doute, contactez si possible directement l'organisme concerné pour confirmer le message ou l'appel que vous avez reçu. Un autre conseil que je m'applique pas à moi-même, c'est d'utiliser des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application. Si le site vous le permet, vous pouvez activer la double authentification pour sécuriser vos accès. Ça, c'était pour se protéger, mais une fois que ça s'est produit, comment on doit réagir ? Alors, au moindre doute, contactez directement l'organisme concerné. Et si vous avez communiqué des éléments sur vos moyens de paiement ou si vous avez constaté des débits frauduleux sur votre compte, faites tout de suite opposition auprès de votre banque. Pensez à bien conserver les preuves et en particulier le message de hameçonnage reçu. Si vous avez constaté que des informations personnelles servent à usurper votre identité ou si vous constatez des débits frauduleux sur vos comptes bancaires, déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie. Vous pouvez également adresser votre plainte par écrit au procureur de la République dont vous dépendez en fournissant toutes les preuves en votre possession. Bien sûr, changez immédiatement vos mots de passe sur le site ou service concerné ainsi que sur tous les autres sites ou services sur lesquels vous utilisiez ce mot de passe. Évidemment, ne répondez pas à ces messages suspects et signalez-les sur Signal Spam qui est associé à la CNIL pour identifier les principaux émetteurs de spam et mener les actions de lutte nécessaires. Quant au SMS, vous pouvez signaler tout message suspect reçu par SMS au 33700. Pour avoir plus de conseils, vous pouvez contacter la plateforme Info Escroquerie du ministère de l'Intérieur au 0805 805 817. En fonction du cas d'espèce, différentes infractions peuvent être retenues, comme l'escroquerie, la collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, l'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données, la contrefaçon et usage frauduleux de moyens de paiement, usurpation d'identité et contrefaçon des marques. On espère que cette chronique vous aura éclairé sur ce qu'est le hameçonnage et vous permettra de vous en prémunir. Pour rester dans la thématique de la cyberdélinquance, on parlera la semaine prochaine d'une autre pratique, le spoofing. Super, à la semaine prochaine. À bientôt. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.